Alors, vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de 80, sur les ondes de CKRL au 89,1. Et pour finir l'émission, nous allons aborder la question de la relève scientifique. On parle de science et des scientifiques d'aujourd'hui, mais qui seront les scientifiques de demain? Ce seront les étudiants qui étudient actuellement en sciences, bien sûr. Or, dans ces filières, la gente féminine est rare. Alors, pour nous présenter cette situation, j'ai à mes côtés Elisabeth Houdard, qui est responsable de la formation pratique au département d'informatique et de génie logiciel. Bonjour, Madame Houdard. Bonjour. Donc, on entend, là, je comprends qu'il est question d'une pénurie de filles dans les filières scientifiques. Or, on entend aussi à côté qu'il y a beaucoup de filles en médecine. Alors, peut-être qu'il faut distinguer science et science. Oui, effectivement. Où est cette pénurie? Donc, la pénurie se situe en sciences, mais il faut effectivement différencier donc, les sciences naturelles des sciences humaines et sociales, d'une part. Donc, on parle ici des sciences dites naturelles. Et au sein des sciences naturelles, donc, on n'inclut pas la médecine. Il n'y a pas de pénurie en médecine, même je dirais qu'il y a je pense 70 ou 75% des inscriptions qui sont de la part de jeunes filles. Donc ça concerne notamment chimie, physique, bio, géologie, maths, etc. Donc aussi l'environnement de façon plus transversale dans ces programmes-là. Et donc, ça concerne les TI aussi. Les TI, donc, c'est-à-dire les TI ou les technologies de l'information. Ouais. Le terme a été un peu repris par la population donc pour tenter de le vulgariser. Donc, c'est l'informatique, les TI. Ouais. Hein, donc, on a essayé de maquiller un petit peu le terme informatique, justement, pour que ça paraisse un petit peu moins technique pour les jeunes. Entre autres, mais bon, on touche quand même, quand on parle de TI, ça touche l'informatique. Donc, et en génie aussi, tout ce qui est. Est-ce que les filières de génie sont touchées? Oui, un petit peu moins quand même, mais elles sont touchées. Ouais. Mais il faut savoir que la baisse d'inscription en sciences et génie, c'est pas seulement les femmes, mais pas seulement marquée par une diminution d'inscription de la part des jeunes filles. C'est une baisse générale, surtout en sciences, pas en génie. Okay. Donc, quand je dis générale, peu importe le sexe, donc. En sciences, il y a une baisse significative, pas seulement au Québec, mais aussi donc au Canada et même en Europe. Oui. Et est-ce qu'on a une idée des raisons pour lesquelles les filles vont moins dans ces filières, dans ces disciplines scientifiques? Il y a énormément d'études qui ont été faites à ce sujet-là. Donc, on parle notamment... C'est très complexe, en fait. Hein, donc, c'est difficile d'évaluer. Il n'y a pas une raison là, pour laquelle les filles s'inscrivent moins, je dirais, en sciences. Par contre, c'est sûr qu'au niveau du modèle parental, les parents, les enseignants, les médias, donc même au cinéma, donc tout cet environnement est très important. Là, on se posait la question dernièrement avec un collègue qui travaille comme moi en informatique. Donc, est-ce que nos enfants étudient ou vont étudier, suivant l'âge de nos enfants, dans le domaine? Pour la plupart des gens, c'est presque non, quoi, en fait. Tiens, c'est vrai, ma fille ne me suit pas. Donc, est-ce que moi-même, j'offre un modèle qui n'est pas adéquat? Donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant là, à étudier. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, beaucoup les deux parents travaillent. Donc, le modèle est là, oui, mais sous quelle forme? Est-ce que l'enfant est vraiment au courant de ce que fait son ou ses parents? Ouais. Donc, quel est le compte-rendu, entre guillemets, le soir? Est-ce qu'on discute de ça à table? Est-ce qu'on discute encore à table, étant donné qu'avec l'informatique, entre autres... La télévision a remplacé la discussion, peut-être. La télévision, puis les jeux vidéo. Donc, avant, on disait, oh là là, il regarde trop la télé. Je vais essayer de lui faire faire autre chose. Puis aujourd'hui, on est presque content, en fait, quand il regarde la télé, parce qu'on se dit, enfin, il ne joue plus aux jeux vidéo. On assiste même à des jeunes là, qui vont regarder des films ensemble, mais à distance. Donc, ils vont rire chacun sur leur continent d'un film comique en se parlant sur Skype. Donc, c'est très... On ne parle plus de multigénération au niveau des changements technologiques. Là. C'est vraiment une même génération. Et même d'un enfant de 10 ans à un enfant de 15 ans, son grand frère ou sa grande sœur, il y a déjà beaucoup d'avancées technologiques et de différences au niveau de l'informatique. Donc on sait, par exemple. Ouais. Donc on ne sait pas vraiment quelles sont les raisons pour lesquelles les filles vont un peu moins en sciences, parce que là vous avez parlé des parents, mais il n'y a pas juste les parents scientifiques. Il n'y a pas les parents, il y a aussi les enseignants, en fait tout l'environnement. Donc c'est sûr que les jeunes s'intéressent quand même aux sciences quand on arrive avec des expériences et des ateliers concrets dans les écoles. Ouais. Maintenant, souvent ils vont dire bah oui, je vais faire sciences, je vais aller en médecine. Donc c'est pas ça le message qu'on essayait de passer là. Donc il y a d'autres sciences. Il y a d'autres sciences, effectivement, que la médecine. Ce qui est certain, c'est que les femmes, sans vouloir mettre de préjugés ou d'étiquettes sur le sexe féminin, mais on a quand même plus tendance à aimer des emplois plus, je dirais, qui ont un impact communautaire, donc, ou sur la société, par exemple sur la santé. Au hasard. Donc, y a plus de femmes infirmières que d'hommes, etc. Donc, on ne voit pas toujours, en fait, au niveau des carrières en informatique, l'impact que ça peut avoir dans tous les domaines, notamment en santé. Donc, par exemple, on sait qu'en chirurgie, si je pose un acte, si je fais une opération au cerveau ou sur le cœur, tout de suite, ça met en péril la vie de quelqu'un. Je peux le sauver. Donc, ça met en péril, mais aussi je peux sauver la personne. Par contre, en informatique, ce qu'on ignore, c'est qu'il y a des interventions chirurgicales qui sont faites grâce à des logiciels, notamment au niveau des nanotechnologies. Donc, on est capable maintenant d'aller opérer une tumeur du larynx sans traitement intrusif, c'est-à-dire sans faire d'opération. Traitement intrusif, oui, mais on va faire une ablation via la bouche, en fait, du patient. Donc, il n'y a pas besoin de faire une opération, d'ouvrir le corps humain, etc. Et en plus, il y a beaucoup moins d'impact au niveau des traitements ultérieurs, parce que c'est beaucoup plus léger comme intervention. Donc, il y a moyen de rejoindre l'intérêt peut-être plus féminin de rendre un service même les impacts et de rejoindre ça avec l'informatique, de rejoindre l'informatique à cet intérêt un petit peu. Tout à fait, même je dirais que l'impact, sans vouloir prêcher pour ma propre chapelle, comme on dit, mais je dirais que l'impact est beaucoup plus grand sur des applications informatiques, parce qu'un médecin va traiter un patient à la fois. Bon, il y a de la recherche qui se fait en médecine, là, évidemment, mais au niveau des recherches en informatique, par exemple, on a trouvé, je vais illustrer par un autre exemple, ce qu'on appelle la signature génomique d'un certain type de cancer du sein, donc avec ganglion. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable, une fois que l'opération est effectuée, de détecter la signature génomique d'un type de cancer du sein et d'anticiper si oui ou non il y aura récidive, donc sous forme de métastase, dans les, par exemple, les 3 ou 5 prochaines années. Donc, ou s'il n'y en aura pas. Donc, suite à ça, on peut effectuer la chimiothérapie ou pas, donc faire subir les traitements de chimiothérapie à la patiente ou pas. Parce que s'il n'y a pas de risque de récidive, donc on ne va pas lui faire subir des traitements inutilement. Donc, parce que ce sont des fois des traitements préventifs aussi qui sont faits. Alors ça, c'est grâce aussi à la recherche en informatique. Donc, la signature d'Amsterdam, elle s'appelle. Donc, c'est grâce vraiment à plusieurs chercheurs dans le monde entier qui ont réuni leurs connaissances et qui, grâce à ça, ont trouvé cette solution, cette ouverture du côté du cancer du sein, ce qui est une belle avancée au niveau technologique. Donc, l'impact est quand même très important là, au niveau du traitement et de la qualité de vie des femmes. Donc, aussi. Ça, c'est des exemples là de. Oui. Là, je reste dans la santé parce qu'on comparait à la médecine. Oui, c'est ça. C'est des bons exemples. Par contre, il y en a d'autres. Ouais. Vous et moi, par exemple, s'il y a une panne d'électricité ici ou s'il y a un logiciel qui est mal fait, il risque d'y avoir une panne d'électricité. Il y a beaucoup de choses qui sont le 911. S'il y a un accident là dans la rue, on regarde à côté de nous ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais composer le 911. Là, l'appel va être donc transmis à un répartiteur. Et là, il y a des logiciels qui se mettent en route, c'est-à-dire qu'automatiquement, on va pouvoir situer où se trouve la personne, ses coordonnées exactes. Donc, si les questions sont posées, c'est systématique. Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce que ça, pourquoi? Parce que suivant la réponse, automatiquement, d'autres applications sont enclenchées pour que les ambulances obtiennent automatiquement donc, un appel au secours là, ou un appel pour qu'elles puissent se déplacer suivant leurs coordonnées aussi. Donc, tout ça, c'est automatisé. Et Il y a de l'informatique derrière. Il y a beaucoup d'informatique derrière. On ne le voit pas. En fait, on ne pourrait plus vivre là sans informatique. Après ces exemples, c'est que je veux qu'on arrive à en parler à cet événement, les filles et les sciences. Oui, bien sûr, oui. Donc, l'événement les filles et les sciences, le but, c'est de faire connaître les carrières scientifiques aux filles et de leur montrer justement ces aspects, comment rejoindre... Des carrières scientifiques peuvent les intéresser, elles aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est un événement qui existe. En fait, l'idée est née il y a à peu près 12 ans. Donc, c'est Belle, là, initialement, qui a parti cette idée à Montréal parce que il y a une jeune femme qui avait pour objectif de recruter un certain nombre de femmes, 50%, donc un ratio de femmes par rapport aux hommes, dans son équipe de réseautique. Et donc, elle n'a pas réussi. Hein. Elle est arrivée à 25 de peine. Donc, du coup, suite à ça, ils ont mis en place un groupe de femmes bénévoles qui ont donc monté cette activité annuelle pour expliquer un peu là aux jeunes filles qu'est-ce que c'est une carrière en sciences. Puis, parce qu'il y a vraiment une grande méconnaissance de la part des jeunes en général et des jeunes filles de... Donc des carrières en sciences. Et le besoin, là, était en TI, donc en technologie de l'information. Puis ça s'adresse aux jeunes qui sont au cégep, alors? Oui, non. L'activité elle-même, les filles et les sciences, c'est pour les filles de secondaire 2 et 3. Ah oui, OK. Oui. Donc, par contre, c'est sûr qu'on accepte quand même quelques secondaires 4 ou 1, mais principalement, c'est 2 et 3. Alors, ça consiste en quoi? Donc, il y a des activités toute la journée. C'est très pratique. Il n'y a pas de théorie. On ne va pas leur montrer des PowerPoint et compagnie. Non, c'est vraiment... Il y a une capsule énergie dès le début, le matin même, pour les mettre en forme. Donc, c'est jeune et dynamique. Il y a des ateliers, des kiosques. Donc, il y a une activité créatrice. Durant laquelle il y a un petit concours. Elles doivent, par exemple, l'année dernière, elles avaient monté un genre d'édifice, mais avec du matériel fourni, là, un édifice à petite échelle. Il fallait faire rouler une bille, qu'elles mettent le plus de temps possible à atteindre la base, donc sans être bloquées. Donc, il y a beaucoup de prix à gagner. Ça, c'est un exemple. Il y a des ateliers, par exemple, elles vont devoir aussi construire un satellite à petite échelle, encore une fois, pour observer les feux de forêt. Donc, et trouver le trajet optimal pour secourir les habitants d'un village qui est mis en péril par des feux couvants et des zones contaminées. Donc, toute cette information doit être transmise par fibre optique. On leur montre comment faire, là, bien entendu. Elles vont aussi construire un robot capable de lire des codes barres qui seront mis sur le plancher. Et modifier le programme pour qu'il suive un parcours défini par une suite de codes barres différents. Voilà. Ça démystifie un petit peu, parce qu'a priori, on se dit, oula, des fibres optiques, au secours, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ou une machine, un robot qui va lire des codes barres, comment je vais faire ça? Oui, puis là, je vous donne des exemples matériels, là où on touche des choses, mais c'est sûr qu'on essaye de leur faire, en fait, manipuler des choses. Oui, c'est ça. Elles font du parfum aussi, elles manipulent, ça c'est en chimie. Mais ça, c'est pour essayer de les attirer donc, et leur montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Cela dit, c'est sûr que, par exemple, encore une fois en TI, au hasard, il y a beaucoup de logiciels, de programmation. Il y a moins de choses visibles en termes de manipulation elle-même. Donc là, c'est plus pour les faire manipuler. Je dirais même, parce qu'il y avait une autre question, mais peut-être qu'on... Oui, c'est parce que je voyais que le temps passait. Ah d'accord, ok. Donc, parce qu'on disait tout à l'heure, donc les femmes, pénurie de femmes, puis peut-être se demander pourquoi c'est un problème. Oui. Donc, c'est un problème notamment parce que il y a presque plus, il y a 8% de femmes, en fait, par exemple, en TI. Donc, c'est très peu, ça a beaucoup diminué. Et les femmes sont, je dirais, meilleures. Je le vois parce que j'évalue beaucoup de stagiaires aussi annuellement en informatique. Donc, elles sont meilleures au niveau assurance qualité. Au niveau gestion d'équipe, elles vont plus se démarquer, elles sont plus méticuleuses, elles vont faire une meilleure analyse avant d'embarquer tout de suite dans le code, comme on dit dans notre jargon. Ouais. Donc, il y a une phase d'analyse et de rigueur que les gars, certains ont, mais pas tous. Donc, c'est très important. Il y a une qualité des filles à aller chercher. Exactement, oui. Donc, puis c'est une qualité qualité quand même qui est mise en valeur dans le métier. Ouais. Donc quand on est responsable de l'assurance qualité, c'est souvent le cas pour les femmes en informatique, bah, c'est quand même intéressant là, de faire les tests ou de faire les tests à des gars pour ensuite leur dire quoi corriger dans l'application. Là, il nous reste juste une minute. Une minute. Alors, c'est ça, le temps de dire la date. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais que vous disiez, la date. Donc, c'est le 18 février, c'est un samedi. Ouais. Alors, ça se passe où ? Ça se passe à l'Université Laval, au pavillon Alphonse Desjardins, donc c'est à Québec. Oui, c'est très facile. De toute façon, on peut se connecter sur le site donc via Internet. Oui. Donc, il s'appelle www.duoquebec.com. Donc, en un seul mot. Oui, www.duoquebec.com. Voilà. Donc, et à ce moment-là, donc, les filles peuvent, parce que ça prend la signature des parents, donc peuvent s'inscrire directement. Donc, on attend plus de 100 filles. Et il faut savoir que les écoles un peu plus défavorisées ont droit à un transport gratuit ce samedi-là. Donc, on peut même accueillir, je dirais, 150 filles sans problème. Mais l'événement est gratuit aussi, je crois. L'événement est tout à fait gratuit. Donc, tout est bénévole, l'organisation est bénévole. Nous, on obtient du financement pour organiser les activités. Mais c'est complètement gratuit pour les filles. Il faut qu'elles apportent leur lunch et leurs parents, parce qu'on a prévu une activité pour les parents pour leur expliquer un petit peu, démystifier aussi les carrières. Ouais. Donc les filles et les sciences, c'est le samedi 18 février à l'université, au pavillon Desjardins. C'est gratuit. Et donc, une bonne occasion d'être en contact avec les sciences, les carrières scientifiques. Oui, au moins, même si on est certaine de ne pas aller dans ce domaine-là, au moins aller vérifier et confirmer son choix. Si par hasard, il n'y aurait pas quelque chose qui serait quand même intéressant dans les sciences. Absolument. Merci beaucoup, Madame Houdin. Merci à vous. Parler de cette problématique quand même qui est intéressante là, et d'avoir invité les filles à aller goûter aux carrières scientifiques lors de l'événement Les filles et les sciences le 18 février.